seul sous la pluie, pleurant chaque minute de sa vie. Elle pense à cette envie, cette attirance de s'enfuir loin d'ici, d'être dans un autre monde, d'être dans un autre monde. Il a brisé son cœur à cause de tous ses malheurs, ne sachant pas y parvenir, elle préfère en mourir seule dans un autre monde, seule dans un autre monde. Elle imagine déjà son avenir sans lui, enfin un nouveau monde où elle pourra refaire sa vie sans aucune honte cette fois-ci, sans aucune honte cette fois-ci, sans aucune honte cette fois-ci.